C'est la religion ou la mala, le tapis de prière ou la cala. À l'époque on faisait hala, mais on va payer les larmes de la mala. J'connais la rue, je la connais tellement que je veux la fuir à mort. Ils veulent pas faire la guerre donc je vais leur faire l'amour. Moi je sais ce que c'est de transporter 50 kilos. Je sais pas ce que c'est de faire la fête depuis minot. Manque de respect, c'est sûr que je ferai pas la pute. Chez toi c'est pas bon gros, je te ferai pas la pub. Ils restent avec nous juste pour qu'on leur donne des E. C'est des vicieux, à vous m'a dit fais gaffe à eux. La mort d'un proche c'est douloureux, ça fait si mal. Papa est mort il y a 12 ans, on dirait que ça fait 6 mois. Oui le temps passe c'est vrai mais j'oublie pas sa tête. Pour lui faire du bien l'imam m'a dit fais des équelles. Y'avait personne quand je voyageais en Blablacar. Y'avait personne quand je mangeais des pâtes au placard. Tu peux me croiser dans les rues de Mars en Yamaha. J'suis là pour faire des sous, je vous laisse faire la mala. Écoute-moi bien Sarpé, je te laisse une MNA. J'ai acheté des armes de guerre, moi je sais pas faire du MMA. Je finirai ma vie solo sûrement. Parce que les gens qui m'entourent c'est des fils de pute. C'est la religion ou la mala, le tapis de prière ou la cala. À l'époque on faisait hala, mais on va payer les larmes de la mama. C'est la religion ou la mala, le tapis de prière ou la cala. À l'époque on faisait hala, mais on va payer les larmes de la mama. J'ai le bras long, je mange avec le maire de ma ville. J'ai pas d'amour, c'est fait pour la mère de ma vie. Pour m'en sortir, j'ai jamais compté sur les tailles. Pour les tailles, j'avais pas de l'oreille, donc j'ai compté sur Eda. C'était mes potes, ils ont tourné la veste fort. Je viens de Marseille, je dédicace une soie de Belfort. J'ai galéré depuis petit, je perds fort. Mais hors de question que je me la pète, pour toi même si je perds fort. Ma mère y ferme même si son fils est dans la zig. On a fait du chemin des HLM jusqu'à la suite. T'inquiète pas pour moi, j'ai quelques contacts dans la cime. Qui m'ont dit poids, on assassine. Pour toi, pas besoin que t'insistes. Je finirai ma vie solo sûrement. Parce que les gens qui m'entourent c'est des fils de pute. C'est le troisième album pour moi. J'ai fini ce que j'ai à faire. Que veux-tu que je te dise de plus? C'est la religion ou la mala, le tapis de prière ou la cala. À l'époque on faisait hala, mais on va payer les larmes de la mama. C'est la religion ou la mala, le tapis de prière ou la cala. À l'époque on faisait hala, mais on va payer les larmes de la maman.